chanson, cette chanson, elle est dédiée à ma maman. Chère de sa chair, sang de son sang, courageuse et forte sont ces femmes qui nous ont donné naissance. Pourquoi alors vais-je donc attendre le 8 mars pour lui offrir un cadeau? Non, non, non. Une chanson ne peut être pas suffisante pour lui dire merci. Maman, je crois que je n'ai pas besoin de te le dire, mais je te le dis quand même. Je t'aime infiniment, tu es mon rayon de soleil, la personne la plus merveilleuse dans ce monde, c'est ma maman. Merci maman, merci maman, merci maman, de m'avoir donné naissance. Merci maman, merci maman, merci maman. Seulement tu m'as donné naissance, aussi tu m'as appris à vivre parmi les hommes. Chère maman, positivement grâce à ton enseignement, aujourd'hui je peux enfin servir d'exemple à ces enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir une maman à leur portée. Yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Elle vaut mieux qu'une montagne d'or. Et je me souviens quand elle me disait fiston, évite les mauvaises compagnies, ceux qui pourront t'introduire dans les ennuis. Et n'oublie pas qu'ici-bas, tout est vanité. Et j'écris cette chanson pour te remercier. Et j'écris cette chanson pour te remercier. Merci. Merci maman, merci maman, merci maman, de m'avoir donné naissance. Merci maman, merci maman, merci maman, pour tout ce que tu as fait pour moi. Tout pour la lune, je me rends dans un jour chouale. Tout pour la lune. Jour mis le nom de la chevalée. Yes, sir. I love you, mama.